Allez, on a fait la pré-ouverture tout à l'heure de ce marathon radio. Voici le lancement officiel de toutes nos discussions, de toutes nos tables rondes qui vont avoir lieu ici, dans cet espace radio, à l'entrée du salon Tatou Juste. Alors, ce n'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme. Voilà le titre de la conférence qui se tiendra à 11h à l'étage. Et comme on l'a annoncé tout à l'heure et comme on le fait chaque année, on reçoit le conférencier pour une sorte de teaser, un avant-propos avant la conférence. Lionel, je te laisse la parole. Eh bien oui, merci Nicolas. Et c'est parti en effet pour 8 heures de marathon. Quand on parle de marathon, c'est 8 heures directes. Hein. On est là jusqu'à 18 heures ce soir, non-stop. Avec ceci dit, quelques respirations musicales, un peu de programmation aussi pour vous accompagner tout au long de cette journée. Premier rendez-vous, premier invité sur le plateau. C'est Pierre-Yves Gosset qui est avec nous. Bonjour Pierre-Yves. Bonjour. Et bienvenue ici à Tatou Juste. Bienvenue à Saint-Etienne. Bien, merci. J'ai été très bien accueilli. Ce n'est pas ta première venue stéphanoise. Non, j'en suis à mon deuxième ou troisième salon Tatou Juste sur ces 6 ou 7 dernières années, je crois. Ouais, et puis d'autres événements dans ce monde que tu, bien sûr, maîtrises parfaitement, qui est celui numérique, les rencontres mondiales du logiciel libre qui avaient aussi lieu à Saint-Etienne. Tout à fait. Alors, Pierre-Yves, tu vas présenter une conférence, ce sera tout à l'heure à 11h. Donc, en effet, comme le disait Nicolas, une sorte de teaser, c'est en fait peut-être l'occasion de, peut-être d'inciter le public, alors, soit ici, qui arrive tranquillement, hein, c'est l'ouverture des portes, ou le public derrière le poste, pourquoi pas à venir courir à 11h à l'espace conférence de ce Parc Expo pour suivre ton intervention qui va porter sur l'intitulé présenté par Nicolas à l'instant. Ce n'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme. L'IA, l'intelligence artificielle. La petite particularité, parce que je t'expliquais en off, la règle du jeu un petit peu de Tatou Juste, sont un peu une sélection qui est faite en fonction des sorties, parutions littéraires, donc d'ouvrages souvent qui sont défendus donc sous forme de conférences. Et tu fais un peu exception à la règle, puisque ce n'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme, ce n'est pas un livre. Ce n'est pas un livre, ouais. C'est une conférence que je fais tourner au nom de l'association que je représente et qui tourne maintenant depuis quasiment un an. Je pense que j'avais commencé à Prime Vert. Voilà. Ah oui, sur l'autre salon de l'écologie en région. Exactement. Qui va avoir lieu en février, je crois, qui est sur Lyon, en effet, en février 2026. Alors, l'association que tu représentes, donc ce n'est pas un ouvrage, on vient de le préciser. En revanche, tu représentes bien une association qui est Framasoft. Tout à fait. Donc, on va peut-être commencer par le début et par le commencement, comme on dit. Petite présentation de ce qu'est cette association d'éducation populaire. Tout à fait. Alors, Framasoft, c'est une association d'éducation populaire aux enjeux du numérique et des communs culturels. Alors, association, à peu près tout le monde voit ce que c'est. On est une association loi 1901. Éducation populaire, c'est un mouvement à la fois éducatif, mais aussi politique, qui vise à chercher l'émancipation, finalement, des personnes. En créant du débat, en partageant les savoirs, etc. Les enjeux du numérique, en fait, c'est très très large, mais aujourd'hui, nous, notre point de vue, c'est que le numérique est partout. Dans notre poche, évidemment, dans nos oreilles, souvent la musique, la radio, de plus en plus par le numérique, les livres, les séries, les films, etc. Et donc, l'idée, c'est de s'interroger un petit peu sur, en fait, qu'est-ce que le numérique change dans nos vies. Et les communs culturels, pour la faire très très courte, par exemple, Wikipédia est un commun culturel. L'idée, c'est de dire que le numérique impacte justement toute notre vie et que la culture est affectée aussi et qu'il y a un autre pan, enfin souvent on imagine qu'il faut nécessairement vendre, je fais déjà le lien un petit peu avec le capitalisme, mais du coup tout n'est pas produit et qu'on peut notamment participer à des communs qui sont eux hors marché, on va dire, qui ne sont pas nécessairement à vendre ou à acheter. Et Wikipédia est un excellent exemple de ça, puisque ce sont des contributeurs, des contributrices qui viennent écrire dans Wikipédia. Et voilà, et avec ça, on peut créer la plus belle encyclopédie du monde, qui est forcément imparfaite, mais qui est créée par les gens, et non pas par quelques chercheurs ou des gens qu'on a payés pour rédiger et auxquels maintenant il faudrait payer un accès pour avoir accès au savoir. Non, Wikipédia est disponible pour tout le monde. Oui, c'est le principe du libre et de l'open source que tu défends et dont on évoquait là par des rencontres mondiales par exemple. Tout à fait. Mais que tu rejoins dans cette idée. Alors tu pars d'un postulat dans cette conférence puisque on le lit comme tel, ce n'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme. D'où penses-tu que nous détestons l'IA et que par là le capitalisme également ? Alors, vous pouvez aimer l'IA, vous pouvez aimer le capitalisme, mais du coup, ça créera du débat pour moi, parce que du coup, je n'aime pas vraiment l'IA et je n'aime pas vraiment le capitalisme, ni le patriarcat. D'ailleurs, j'ai compléter le titre de la conf. L'idée derrière... Patriarcat capitaliste. Exactement, caca pipi capitaliste. Et du coup, l'idée derrière, c'est de dire qu'en fait, l'intelligence artificielle est un ensemble de technologies, c'est aussi un projet politique derrière, et c'est un projet politique qui est porté par quelques entreprises. Alors, je ferai la démonstration en long, en large et en travers tout à l'heure, mais qui est porté par un petit oligopole d'entreprises qu'on connaît assez bien, puisqu'on va y retrouver ce qu'on appelle les GAFAM, donc Google, Apple, Amazon, Facebook ou Microsoft, qui ont envie de nous pousser ces nouvelles technologies et qui le font d'une façon qui est assez intéressante, dans le mauvais sens du terme. C'est-à-dire que, je rappelle que l'intelligence artificielle, tout le monde avait entendu le nom avant 2020, etc. Mais tout a basculé finalement fin 2022, début 2023 avec ChatGPT. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas passer une journée sans qu'on vous parle d'IA. Et ça n'a seulement que 3 ans, enfin ça fait seulement quelques années finalement que c'est rentré dans les usages du grand public. Avec une façon d'en faire démonstration quand même de manière la plus élogieuse possible, hein, c'est un peu l'idée. Tout à fait, exactement. On parle d'intelligence, hein, artificielle certes, mais qui prendrait le pas un peu sur tout et qui va nous apporter finalement une sorte de technosolutionnisme là, qui est absolument, enfin je veux dire, défendu sur tous les fronts, quoi. Tout à fait, et c'est ça un petit peu qui nous inquiète, c'est de se dire, ok, c'est un en gros, si je caricaturais, c'est un ensemble de logiciels, mais on nous le vend comme étant la solution à tous nos problèmes, y compris celle du dérèglement climatique, celle du manque d'énergie, la fin des énergies fossiles, pas de problème, l'IA va nous sauver, etc. Et on parle en plus de plus en plus maintenant d'IA générale, c'est-à-dire l'IA qui résoudrait, qui apprendrait par elle-même et qui résoudrait tous nos problèmes avant même qu'on les rencontre. Et donc ça, c'est vraiment quelque chose qui vient de la science-fiction et de ce technosolutionnisme dont tu parlais, qui est vraiment quelque chose de « Ah mais vous inquiétez pas, la technologie vous sauvera et ce côté progrès, le progressisme technologique est pour moi un leurre. » Et il faut montrer, et l'idée un petit peu de la conf, c'est de lever le voile pour regarder ce qu'il y a sous l'IA et ce qu'il y a sous l'intelligence artificielle. C'est pas très joli. Alors, juste en quelques mots, parce que on va essayer aussi d'être un petit peu clair et synthétique. On a un peu de temps ensemble, mais pas non plus le temps d'une conférence, justement, et de temps long. D'abord, repartons peut-être aussi de la définition, parce que tu as évoqué une IA possible, celle de ChatGPT. Alors moi, je t'avoue, par exemple, je suis complètement néophyte en la matière. Je ne suis pas très numérique. C'est drôle, ce qui est assez... C'est très bien. Ce qui peut être aussi assez étrange parfois dans ce monde. Mais ceci dit, je n'ai jamais pratiqué l'IA. Ouais. Je n'ai jamais pratiqué ChatGPT. Donc okay. J'aimerais juste savoir de quelle façon elle peut... Voilà, qu'est-ce que c'est, de quelle façon elle se décline véritablement. Alors, déjà, on parle de l'IA, mais en fait, il y a plein d'intelligence artificielle. Encore une fois, ce sont des processus techniques, le plus souvent informatiques et algorithmiques, c'est-à-dire c'est du logiciel, je caricature. Dans ces logiciels, aujourd'hui, on a trouvé des méthodes, il y a une dizaine d'années ou un peu plus, mais que ChatGPT a industrialisé, entre guillemets, pour ce qu'on appelle l'intelligence artificielle générative. Générative, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'elle va... c'est en gros la définition que donne l'IA que donne le Parlement européen de l'intelligence artificielle, c'est la capacité pour une machine à reproduire des comportements humains. Y compris d'ailleurs là, entre guillemets, imiter la créativité. Et donc, comment ça marche ? En gros, tu as un petit champ de texte et tu vas poser ta question, tu vas interagir avec l'intelligence artificielle en lui posant des questions, en lui demandant d'effectuer des tâches. Donc, tu as un petit champ de texte sur ta page internet et tu vas dire je voudrais bien savoir si l'équipe de Saint-Étienne devrait pas changer son goal parce que ces derniers matchs, ça n'a pas très, très bien marché. Et du coup, l'IA va te répondre. Elle va te répondre en se basant sur l'ensemble des données qu'elle aura pu aspirer sur Internet. Qu'elle va brasser. Et des probabilités. Elle fait juste, c'est de la proba sur du texte. En gros, je ne sais pas si tu as un smartphone, mais non, eh ben c'est pas grave. Mais les gens qui ont un smartphone, on voit quand on commence à taper des mots, il y a une forme d'autocomplétion qui est faite. Ça veut dire, je commence à taper, je suis allé promener le CH. Ben, a priori, il y a peu de chances que ça soit le cheval. Ça va plutôt être, je suis allé promener le chien. Et donc le mot est automatiquement proposé parce que c'est le mot le plus probable. Ce que fait l'intelligence artificielle et ce que fait ChatGPT, c'est ça, mais vraiment sous stéroïde, c'est de puissance 1 million. Et donc ça va deviner les mots qui sont les plus probables après. Et ça fournit des réponses qui sont crédibles. Et donc tout est dans le crédible. C'est pas, est-ce qu'une réponse crédible est valable ou pas? Voilà, si on pose une question sur un club de foot, ça va. Si on demande à ChatGPT de remplir ma thèse, enfin de rédiger ma thèse, eh ben c'est problématique. Il va donner des réponses crédibles. Par contre, est-ce qu'elles sont justes? Est-ce qu'elles sont vérifiées? D'où vient l'info? Eh ben on n'a plus du tout la main là-dessus. C'est une espèce de boîte noire et c'est extrêmement compliqué. Et du coup, bah, l'idée un petit peu derrière, c'est de se dire, mais en fait, comment ça marche? Donc, mon travail ce matin, ça va être d'essayer d'expliquer techniquement comment ça marche, les problèmes que ça pose, les risques politiques, démocratiques, écologiques, de discrimination culturelle et autres, et de se dire, mais en fait, à qui profite l'IA? Ouais, c'est pour savoir un peu dans quel champ justement ça pouvait s'appliquer. Là, tu as parlé d'interaction possible et dans un certain domaine. Donc, on l'a vu effectivement. On a vu des élèves, étudiants effectivement qui pouvaient faire appel à cette ressource possible. Mais on est quasiment à 100% hein, des étudiants des 18-25 ans qui utilisent ChatGPT, on va dire au moins une fois par semaine. Et c'était un peu aussi dans quel autre champ possible, parce qu'on parle beaucoup, par exemple, alors, quand on parle de technosolutionnisme, je pense à la santé, par exemple. Ouais. On a aussi un discours, hein, oui. Finalement aussi un narratif aussi qui porte sur le côté progressiste tout des choses fait. Et solutionniste. Mais du coup, effectivement, par exemple, une intelligence artificielle peut regarder 10 000 radios radiographie par heure ou par minute. Ça dépend juste de la capacité de calcul qu'on va libérer pour qu'elle étudie des milliers et des milliers de radios par minute. La problématique, c'est que du coup, elle aura appris en fonction de ce que lui auront donné les données que lui auront fournies les radiologues. Mais est-ce qu'on a vraiment envie de faire confiance 100% à cette machine? Donc, il y a des domaines où l'intelligence, moi je dis souvent, ça peut paraître vulgaire, mais l'IA c'est caca, mais pas dans tous les cas. Il y a des domaines où l'intelligence artificielle peut être pertinente sur des domaines très spécifiques, sur des questions très spécifiques. Moi, mon souci aujourd'hui, c'est, je le disais, quasiment 100% des 18-25 ans aujourd'hui utilisent ChatGPT ou autre intelligence artificielle régulièrement, et ça pose un énorme problème parce qu'ils peuvent aussi s'en servir comme soutien émotionnel, comme si parce qu'ils vont pas, ils ont pas envie d'aller voir un ou une psychologue, et du coup ils vont demander à ChatGPT d'être leur ami. Et ChatGPT, c'est une machine, ça répond derrière à la demande. Ils disent, ok, mais tu es une personne formidable, tu es beau, tu es belle, tu vas arriver à faire tout ce que tu veux dans la vie, etc. Et quand il y a un gap qui se crée pour ces jeunes, quand ils se rendent compte que, en fait, non, c'est juste une machine qui répond, quoi. Ouais. Et alors, le facteur risque est important parce que c'est là où, effectivement, le juste équilibre est à trouver. C'est-à-dire qu'effectivement, il peut y avoir de l'intérêt, de la pertinence. Le problème, c'est les dérives possibles, comme toujours. Et alors, autant je ne connais pas véritablement, mais je me suis tout de même un petit peu informé par curiosité sur la chose, dont franchement un documentaire que j'ai trouvé assez, assez pertinent, qui est visible actuellement, je crois, sur Arte, là, que j'ai trouvé très intéressant, notamment sur cette espèce de boîte noire sans fond dont tu parles et qui manque de cadre absolu aujourd'hui. À nouveau, tout va très vite. Et c'est, alors, l'image qui était donnée, c'était de dire c'est comme si il n'y avait plus de code de la route, par exemple, et chacun faisait n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Donc, plus de conduite, on va dire, parce que c'est une question aussi importante, de la conduite, de la façon d'être et d'usage des choses. Et la deuxième qui était le facteur risque, qui était il comparait cela à quasiment la bombe atomique. Dans la possibilité d'être complètement dépassé tout à fait par la machine, finalement, par cette intelligence qui surpasserait celle humaine. En tout cas, il y a clairement un risque sur l'usage de l'intelligence artificielle. Moi, mon propos, il est de dire que justement, c'est cette entreprise essentiellement, puisque j'y rajoute Tesla, enfin les boîtes d'Elon Musk, voilà, de Tesla. Il a une société qui s'appelle XAI, Elon Musk, qui fait aussi de l'intelligence artificielle. Et il y a une autre boîte dont on parle beaucoup en ce moment à la radio et à la télé, qui s'appelle Nvidia, qui est aujourd'hui la plus grosse capitalisation boursière mondiale. Les gens ne connaissent quasiment pas Nvidia. C'est une boîte qui fait des processeurs informatiques. Et du coup, ces entreprises-là, elles ont leurs propres intérêts. Et donc, je ne sais pas si je le comparerais à la bombe atomique, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est aujourd'hui une technologie qui est laissée dans la main de gens qui ont leurs propres intérêts. Et cet intérêt n'est pas celui de la population ou celui des citoyens. Moi, j'aurais souhaité qu'on ait, avec l'intelligence artificielle, le même recul qu'on a eu avec le clonage humain. Le clonage humain, c'est une super technique. On pourrait soigner des millions de personnes sur la planète en sachant cloner correctement les cellules humaines. On pourrait sans doute réparer des organes, etc. Mais on a choisi de ne pas le faire. On a fait ce qu'on appelle un moratoire dessus, alors que la technologie, il y a plus de 20 ans ou 30 ans maintenant, quasiment. Et on a choisi de faire un moratoire en disant « c'est quand même un peu dangereux, ça ouvre des problèmes éthiques hyper larges et il faut qu'on donne du temps à l'humanité pour se poser les bonnes questions autour de cette technologie. » Et on ne l'a absolument pas fait avec l'IA. Mais je crois que c'est là aussi où j'ai abordé l'histoire de la comparaison. L'idée n'est pas de le comparer à la bombe atomique en tant que telle. C'était aussi d'abord la question, si, alors certes, du risque, c'est-à-dire celle de se dire à un moment donné, on ne pourra plus freiner. Et ça va fuiter d'un moment ou un autre. On ne pourra pas plus appuyer sur le bouton stop. Mais l'autre question qui se posait en rapport à ça, celle d'Oppenheimer aussi, c'était la question morale et éthique, justement. Oui, exactement. C'est-à-dire, est-ce qu'on y va? Est-ce qu'on prend ce risque de ce qui... Et qui aujourd'hui décide de l'éthique de l'IA, c'est typiquement quelqu'un comme Elon Musk. Elon Musk qui aujourd'hui entraîne son IA qui s'appelle Grok. Grok est entraîné sur Twitter. Or, là, du coup, on commence à avoir quelques années de recul sur qui est le public de Twitter et qui consomme et produit du texte sur Twitter. C'est aujourd'hui beaucoup, par exemple, l'extrême droite. Et donc, concrètement, cette intelligence artificielle, elle se base sur des contenus qu'on lui donne qui sont très orientés à droite ou à l'extrême droite. Et donc, quand on vient poser la question à Grok est-ce que le réchauffement climatique est une vérité scientifique, Grok peut tout à fait répondre non. En ayant été chercher des articles, des études climato-sceptiques, et c'est hyper problématique, puisque ça signifie que les gens vont avoir une réponse fournie par une IA. Si on dit que l'IA a toujours raison, et ben les personnes vont penser que le climato-scepticisme est la règle, et qu'il n'y a pas de problème de dérèglement climatique. Le sujet est passionnant, effectivement. Alors, on est limité par le temps, mais ceci dit, j'aimerais qu'on revienne, parce que là, on comprend, et tu vas le développer dans le temps de conférence, finalement, ces conséquences à la fois politiques, idéologiques, sociales, que tu examines et que tu vas examiner et développer au sein de ta conférence. Celle qu'on va peut-être retenir là, c'est celle, justement, écologique, peut-être. Et faire ce lien, ouais. Parce que là il y a aussi une sorte d'aberration, enfin je veux dire c'est complètement débile à un moment donné où on est en train de se dire comment est-ce qu'on devrait ralentir comment est-ce qu'on réduit notre production de à la fois notre consommation d'énergie fossile, comment est-ce qu'on réduit la production d'émissions carbone, qu'est-ce qu'on fait, on construit des data centers par milliers. Un data center, c'est en gros un énorme local bien plus grand que le parc des expos dans lequel il y a des milliers et des milliers d'ordinateurs. Et il faut évidemment électrifier tout ça et ça pose du coup d'énormes problèmes. Il faut produire des puces qui vont aller dans ces ordinateurs. Ces puces, évidemment, elles sont produites dans des pays divers et variés, mais sur la base de métaux rares qui sont souvent extraits, notamment en République démocratique du Congo, dans des conditions qui sont absolument horribles. C'est aussi des consommations en eau et c'est par exemple Microsoft, qu'on connaît pour Windows, Word, etc., qui rachète des centrales nucléaires. Et ça me pose quand même question qu'aujourd'hui, des centrales nucléaires, donc qui sont on va dire des équipements, des infrastructures hyper sensibles, soient rachetées par des boîtes privées qui vont dire non, mais on va gérer le nucléaire, mais c'est pas du tout leur métier. Ils font à la base du système d'exploitation et du traitement de texte, quoi. Et aujourd'hui, ces entreprises-là gèrent des centrales nucléaires. Et donc, moi, derrière, la problématique que ça pose, c'est que c'est un impact absolument non négligeable. Aujourd'hui, on va dire entre 3 et 7%, c'est assez flou, sur la consommation d'énergie mondiale pour l'intelligence artificielle. Et malheureusement, je ne vois pas du tout ce chiffre baisser, puisqu'on nous pousse, encore une fois, pour des raisons pour moi très capitalistes et néolibérales, à utiliser de l'intelligence artificielle à tous les endroits possibles et imaginables. Aujourd'hui, vous faites une réunion, je ne sais pas, en visio, sur Zoom, qui n'est pas du tout un logiciel libre, et ben ça vous propose automatiquement un assistant qui va faire le résumé avec de l'IA à votre place. Et c'est proposé quasiment par défaut. Et c'est, moi, ce qui me pose souci, c'est comment est-ce qu'on nous pousse aujourd'hui à utiliser de l'IA partout, tout le temps, ouais. Alors qu'on pourrait très bien s'en passer. Il y a encore 3 ans, tout le monde, enfin personne n'utilisait d'intelligence artificielle générative, et ça marchait très très bien. Enfin, la planète se portait pas très bien, mais elle se portait mieux qu'avec l'IA. Et alors moi j'aurais une question comme ça portant sur cet aspect-là de l'aspect écologique, l'aspect énergivore de l'intelligence artificielle, de cette nouvelle application, ouais. Parce que hier on évoquait les 20 ans de Tatou Juste. On évoquait Rob Hopkins qui avait écrit, ouais, ce manuel de la transition, qui est venu à Saint-Etienne, qui lui parlait beaucoup de ce qu'à l'époque c'était le pic pétrolier. On se disait on a atteint le pic, etc. Et là ça me pose la question de se dire, mais en fait est-ce que c'est possible, c'est-à-dire que là on parle de ressources limitées, ouais. on parlait du tout pétrole par exemple. Là je me dis, mais en fait vu la consommation que cela va générer, l'impact que cela a, est-ce qu'on va avoir les ressources d'abord infinies pour pouvoir appliquer et en tout cas pouvoir le mettre en application et le développer. Enfin, il y a un truc qui... C'est une très bonne question. Alors moi, j'ai pas de boule de cristal. Ce qui est à peu près sûr, c'est que dans les années qui viennent, oui, en fait, on va pouvoir continuer à développer de l'IA. Ma question, c'est à quel coût ? C'est-à-dire, ben, pendant qu'on fait ça, on continue de réchauffer la planète. Pendant qu'on fait ça, on continue d'extraire des minerais par des enfants dans les mines en République démocratique du Congo. Pendant qu'on fait ça, on utilise de l'eau pour des ressources qui sont, à mon avis, non prioritaires, etc. Et donc, ma réponse à ta question, c'est valable pour le moment, mais c'est juste accéléré pour aller plus vite dans le mur. On n'a pas encore touché le mur, hein, on voit bien, on arrive encore à circuler en voiture, on trouve de l'essence, etc. Mais ça n'est que accélérer le mouvement qui nous projette dans le mur. Et donc, à un moment donné ou à un autre, ça ne sera plus possible. Et là, moi, j'imagine toujours ce petit dessin où on voit un papa avec 3 enfants autour d'un feu, dans une grotte et tout, et qui dit à ses enfants, ah ouais, mais le passé, c'était quand même vachement bien, parce que pendant un temps, peut-être une dizaine d'années, on a eu l'intelligence artificielle. Oui, c'est un scénario possible. Et puis juste pour terminer, Pierre-Yves, parce qu'on n'a pas évoqué, on l'a évoqué en tout début, mais si tu veux à nouveau peut-être conclure par cet aspect-là qui est celle du capitalisme interdépendante de celle de l'intelligence artificielle, revenir quand même sur cet aspect-là en mot de la fin. Ouais, mon propos, il est de dire que cette technologie, on pouvait s'en passer. On aurait pu avoir un moratoire de façon à ce qu'on puisse réfléchir éthiquement sur ce qu'on voulait faire, et que les enjeux économiques sont tellement gigantesques que ça n'a pas été possible, puisque, alors là du coup c'est un propos très politique que je tiens et j'engage personne à penser comme moi, hein, mais qu'aujourd'hui souvent le pouvoir politique est soumis au pouvoir économique, et que quand on dit que aujourd'hui l'intelligence artificielle c'est un peu le porte-avions nucléaire des États-Unis ou de la Chine, c'est-à-dire c'est un moyen de montrer ses muscles et de dire en fait nous avons un pouvoir technologique sur vous, et si vous êtes dépendant à l'IA, il faudra l'acheter chez nous, que ce système-là, finalement, on le retrouve complètement lié à l'intelligence artificielle, et que ce qui fait aujourd'hui, même qu'on parle de bulle de l'IA beaucoup ces derniers jours, c'est qu'il y a eu des investissements absolument monstrueux qui ont été faits, on parle de plusieurs milliers de milliards de dollars dans l'intelligence artificielle, et que tout ça n'est pas mis au service d'une meilleure santé, la lutte contre le réchauffement climatique, etc. Et donc c'est vraiment de la spéculation, à mon sens, sur un ensemble de technologies qui fonctionnent plus ou moins bien, mais dont, encore une fois, on aurait pu se passer. Oui, et puis tu parles d'aspect concurrentiel, c'est vraiment le cas. Tu parles de la Chine et des États-Unis, mais on a vu aussi la France se positionner là-dessus. Il y a encore ce truc de pouvoir aussi on va développer. Ils ont fait leur sommet autour de l'IA, on va y aller, on va développer. C'est des milliards qui, pour moi, sont cramés aujourd'hui, malheureusement. Et j'aurais préféré les voir dans la santé, dans l'alimentation, dans la lutte contre le réchauffement climatique. Oui, le réchauffement numérique même, on pourrait dire. Quand je vois j'ai vu les dernières infos de à nouveau hein, dans ces aspects écologiques, je crois que c'est la Chine qui a des sortes d'immeubles de data centers qui sont enfouis sous la mer, à des kilomètres sous l'eau. Bah oui, parce que ça produit de la chaleur. Et donc les poissons autour, ils doivent pas être très très bien. Hein. Non mais c'est impressionnant quand même. Il y a vraiment des choses folle dans ce monde. Débile. Merci Pierre-Yves Gosset. Ce n'est pas l'IA que vous détestez, c'est le capitalisme. C'est une conférence, pourquoi pas peut-être un livre futur. Pourquoi pas poser ça par écrit. C'est à 11h pour la conférence ici au Parc Expo, à l'espace conférence, comme je l'ai dit, du Parc Expo à tout juste ici à Saint-Étienne. Merci Pierre-Yves. Bonne conférence. Et puis on se retrouve tout à l'heure, Nicolas, pour... nous, même horaire, ce sera 11h pour la première table ronde de la journée qui va porter sur l'artificialisation des terres agricoles avec l'exemple du photovoltaïque et plusieurs associations représentées. Un peu de musique pour poursuivre en attendant 11h et ce prochain rendez-vous.